regard égare à toi qui se croise faut de la place pour faire place à tes sentiments. Le sont-ils tant que ça? Tout ça pour te dire 20 ans, autant que toi. Mon envie me plaît. Back to the future. J'idolâtre ma ville. Aurais-je le droit de t'aborder? De t'aborder. Place ton visage par des songes précieux, des scènes plus somptueuses qui me fait mal. Heureusement, l'espérance de mon enfance, de mon enfance. Faut tenter, tu sais, ça me fait pas toujours rire, mais tu paierais dans tes rêveries de la place pour deux. Ça me fait pas toujours rire, ça me fait pas toujours rire. Ton visage par des songes précieux.